Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Être contre la pensée unique, dénoncer la dictature du conformisme intellectuel. Ah, la belle cause que voilà. Je m'y verrais bien, pour fendre la médiocrité ambiante, s'attaquer au politiquement correct, rampant, nager à contre-courant du consensus, se dresser seul contre tous comme défenseur de l'autonomie de la pensée. Hélas, deux obstacles au moins barrent l'accès à cette carrière. La multitude de concurrents. La place est déjà prise d'abord par de vrais écrivains. On ne réécrit pas le dictionnaire des idées reçues ou l'exégèse des lieux communs. Certes, il reste à établir des catalogues de poncifs, des répertoires de clichés ou des atlas de stéréotypes à publier et à mettre à jour chaque année. Hélas, les étagères des éditeurs croulent déjà sous les piles de projets. Sans parler des textes dans lesquels des essayistes... Des romanciers écrivent des énormités au nom de la lutte contre la pensée unique. Ils sont pléthores, ils sont partout, dans les livres et dans la presse, à la télé et dans les journaux, dans les dîners en ville et dans les prétoires, sur le front du changement climatique et sur celui de la défense de la langue française, dans les écoles et dans les forums internet. En matière de sexe, de littérature, de culture des betteraves, d'économie politique et j'en passe. Bref, il n'y a pas un champ de l'activité ou de la pensée qui n'ait déjà son Richard Millet ou son Éric Zemmour, son chevalier noir ou son procureur blanc se lançant à l'assaut de la forteresse. Pensée unique avec l'énergie d'un Don Quichotte et l'assurance d'un inquisiteur, enfin, d'un Don Quichotte qui serait devenu un peu cabotin, d'un inquisiteur bien conscient de sa faiblesse et bien décidé à vivre en martyr de la liberté de penser tout seul contre son époque. Le deuxième obstacle, le silence des ennemis. La guerre contre la pensée unique est une guerre sans bataille. Elle compte beaucoup de victimes combattantes, mais pas d'ennemis. Ils ne se déclarent pas, ils se cachent. Se taire, se volatilise, impossible de trouver quelqu'un qui se proclame d'emblée « Je suis pour la pensée unique ». À la télévision, à la radio, dans les entretiens avec des intellectuels, personne ne représente la triomphante pensée unique. On pourrait voir dans ce silence la malignité du diable qui parvient à vous persuader qu'il n'existe pas. Certes, des provocateurs osent parfois justifier les énormités qu'ils prononcent ou écrivent en arguant. Briser un tabou ou dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, ils admettent donc un substrat commun de pensée, un consensus caché. Mais ce sont en général les mêmes qui, un peu plus tard, se déclareront victimes de la pensée unique, du politiquement correct, pas la moindre trace d'un défenseur de la pensée unique. À quoi bon la combattre ? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, etc. En rédigeant laborieusement ce mot, je bute sans cesse sur des phrases toutes faites comme la dernière et celle sur la ruse du diable un peu plus haut, comme si le fait de parler de pensée unique rendait pâteuse l'écriture et la pensée. Il ne me vient que des poncifs, des lieux communs. C'est peut-être la seule réalité tangible de la pensée unique. Je lui cherche un contenu, je n'en trouve pas. En revanche, j'observe son pouvoir d'inhiber le discours, de pétrifier le débat et accessoirement de paralyser mon écriture. D'autres mots inhibiteurs ont cette capacité de figer les discussions. Des adjectifs comme raciste, réac, facho, homophobe, féministe, catho, libéral, communiste, et j'en passe et leur contraire. Des concepts comme multiculturalisme, communautarisme et pensée unique. Le pouvoir de ces mots ne tient pas tellement dans l'invective qui ne gêne en général pas la rhétorique, mais dans l'éviction par déni de l'interlocuteur. La pensée unique n'a pas de contenu, n'a pas de représentant, mais son invocation donne magiquement au débat la consistance d'un sable mouvant où s'enlise la discussion. Elle a l'opacité d'un écran qui protège les idées de celui qui l'invoque tout en le faisant paraître victime. Elle a le pouvoir de l'eau sur le feu de la controverse qu'elle éteint tout en illuminant d'un halo de gloire celui-là même qui l'a allumé. La pensée unique est une arme de destruction oratoire. Le tout est d'être le premier à s'en saisir. Thérèse Sépulcre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Daniel? Ben, ça va pas mal. Et toi, ça va pas mal? Oui, moi, ça va pas mal. Alors, réveil, t'as eu un bon réveil quand même, c'était bien. Ouais. Un bon réveil quand même, ouais. Sauf que, ben voilà, on a un bel été. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet été? Il est quand même joli, non? Il est pas mal joli. Il a tardé à venir quand même, ce salopio. Il est resté un peu caché quand même, quoi. Et donc, on l'a accueilli avec joie et on aimerait bien qu'il s'installe pour l'éternité. Là, tu t'en demandes un peu beaucoup quand même. Moi, je trouve que là, cet été est magnifique. Magnifique, je le dis. Et là, on se réveille et il pleut. Mm. Bah bon, c'est normal qu'il pleuve. Oui. Bah oui, puis on est dans un pays où c'est bien qu'il pleuve, parce que sinon on n'a pas des belles fleurs pour manger, tout ça. Donc, on doit être content quand il pleut, en fait. Plutôt. C'est vrai, quoi. C'est quand il fait lait que c'est pas gai, mais quand il pleut... Moi, j'aime bien qu'il pleut, en fait. Mais espèce de... Quand c'est entre deux, ça, je t'en parlais hier... Quand il pleut, c'est franc, quoi. Voilà, il pleut. Bien. Prends de l'eau dans ta figure. C'est bien fait pour toi. Pour les arbres et tout. Donc c'est bien. Sinon, on serait dans un pays de cactus. Bah, ça pourrait être bien d'être dans un pays de cactus, mais c'est pas comme ça que ça s'est équipé. La Belgique n'est pas un pays de cactus. Non, mais ça pourrait être chouette aussi. Hein, si on doit connaître une période, un climat cactusien, je veux dire, moi, je suis prête, quoi. Et puis peut-être le souci aussi en Belgique, c'est qu'il pleut beaucoup. Du coup, on verrait que la pluie tout le temps. Et là, maintenant... On ne peut plus dire ça, quoi. Moi, j'ai vécu 2 mois là, mais sans... Magnifique, magnifique. Bon, Daniel, tu fais le fermier? Oui, je fais le fermier, mais je fais le demi-fermier, puisque la ferme de mes amis Roland et Elisabeth sont équipées de 2 chevaux seulement. Donc, avant, il y avait 3 vaches, avec qui j'ai vécu une profonde histoire d'amour, mais dont mon cœur est toujours marqué d'ailleurs, parce que j'ai un attachement vers ces animaux-là. Et donc je fais le fermier momentanément, mais c'est plutôt aller un peu loisiristique, quoi. C'est-à-dire que je vais donner des bisous aux chevaux, leur donner 3-4 patates pourries, parce qu'ils aiment bien ça. Faire une petite rivière en bas, parce que c'est une mission que j'aime bien être dans la bouillasse et puis regarder les grenouilles. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai comme autre mission? Ben, des petits trucs d'intendance, quoi, puisque mes amis sont partis. Mais ça me rappelle plein de choses chouettes que j'ai vécu ici, puisque j'ai gardé cet endroit des hivers, où j'ai beaucoup... Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien à ces moments-là, parce que j'ai écrit, lu et tout ça. J'avais l'impression d'être hors du temps. Et c'est bien. Moi qui suis un nerveux, c'est bien, ça me calme aussi, dans le truc de faire une chose à la fois et pas mettre la charrue avant les bœufs, ce qui est une expression très bête, mais dont la réalité s'est appliquée, quoi, dans le sens où on travaille par strates ici. Roland a travaillé au cheval pendant Enfin, il continue encore à faire sortir son cheval, mais pendant 40 ans, il a travaillé uniquement au cheval, sans tracteur ni rien. Et effectivement, ben, ton travail de la terre dépend finalement de la bonne humeur de ton cheval aussi. Ce qui n'est pas le cas avec un tracteur. Tu pousses sur on, ben, il va faire le tracteur, ce con. Ce qui n'est pas le cas sur un cheval qui, ben voilà, comme je disais, quand il est en montée, il travaille moins bien qu'en descente. Puis si c'est un mâle, il suffit qu'il y ait l'odeur d'une femelle qui passe dans l'air au moment où il est en train de sillonner, et ben il va un peu s'arrêter pour tâter de la chose en disant « c'est qui ?» Donc après, tu dois le pousser un peu. Là, chaque cheval a vraiment sa personnalité, et ça détermine beaucoup même la façon dont tu vas travailler, ce qui n'est pas le cas avec toute la mécanistique, quoi. Mais bon, on ne pourrait pas faire des énormes exploitations avec des chevaux. Ce serait plutôt, s'il s'agit d'une utopie réalisée, comme Roland a fait, j'aime me plonger là-dedans aussi, sur l'histoire de l'utopie réalisée, dire, ben voilà, des gens ont rêvé d'un truc, ils l'ont fait. Mais pour la plupart des gens, ces gens sont fous, et pour une minorité, c'est des génies, dans le sens où ils ont fait de leur compréhension du monde une action qui était, dans ce cadre aussi, de faire du fromage avec trois vaches qui traillaient à la main, en biodynamie totale. Mais ils n'ont même pas la certification bio, parce que dans le côté normatif de ce genre d'institution, bah, y a des trucs d'hygiène qui ne correspondent pas ici, notamment, et c'est ça la magie de la chose, qui pour moi fait partie d'un travail de création du monde, c'est que ben, le lait du printemps n'est pas le lait de l'hiver, et alors ton fromage, eh ben, il est plus gras au printemps. Enfin, tu vois, y a la question de l'homogénéité du produit, qui existe même dans le bio. Ben, y a pas la réponse n'est pas là, puis il suffit qu'il y ait une mouche qui soit passée dans le lait sans qu'on ait fait attention, ou je sais pas, un peu de paille, ou je sais pas quoi, donc la fermentation se passe un peu différemment. Bon, là j'exagère avec la mouche et la paille, mais c'est plutôt une histoire d'image, quoi, dire s'il y a un truc, un événement qui fait que ben voilà, le fromage n'avait pas un goût constant, tout ça. Et j'aime bien ça parce que c'est comme une... Enfin, ça m'a apporté beaucoup dans ma propre démarche de chanteur des bois, en fait, dans la question d'essayer de ne pas faire tout le temps la même chose, mais pas dans une optique de faire absolument tout le temps autre chose, mais de vouloir varier. Moi, je dis tout le temps que je suis un chanteur de variété, dans le sens premier du terme. Je fais de la variété, donc je peux faire un reggae pourri aussi bien que la techno, mais si, je fais de la techno, ou la poésie pure et dure, parce que je suis dans l'espèce d'acceptation de la totalité de la vie qui prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place, la vie, si tu y penses. Donc, quand tu es chanteur, tu es obligé de prendre un élément à la fois et de le décortiquer ou de l'aborder, en tout cas d'une certaine façon. Et finalement, c'est ça, pour faire un pont ridicule, mais que j'aime bien, entre l'agriculture et la culture. Quand l'agriculteur, il transforme une matière pour essayer d'en faire quelque chose qui nourrisse, ben... quand tu fais des chansons ou de la poésie, tu fais ça, tu prends des éléments du monde que tu filtres avec ton petit cerveau et tout ça, avec tes mots, et tu leur donnes un sens, mais un sens qui t'appartient à toi. Après, ce que les gens en font, ça ne t'appartient plus. Le nombre de gens qui me disent des trucs sur des chansons que j'ai écrites qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai mis dedans, ça me fait plutôt plaisir, en fait, justement. Parce que finalement, c'est ça le truc, c'est l'histoire de la variété Est-ce que ça peut être paniquant dans un monde où les choses sont très normatives, comme vous êtes très tiroirisées. Est-ce que tu fais de la pop? Est-ce que tu fais de la chanson? Est-ce que tu fais de la poésie? Est-ce que tu fais du slam? Est-ce que tu fais du rock'n'roll? Est-ce que tu fais une thérapie? et je pourrais presque dire oui à tout, et voilà, et non à tout, dans une question de... Justement, c'est pour ça peut-être que ça peut aller... Il y a quelque chose d'un peu baroque, quoi. Il y a, dans le sens où il y a toujours plein d'éléments dans ma musique qui correspondent finalement à une approche que j'ai même quand je travaillais, quand je suis dans un champ ou quoi, avec ma petite houe à essayer de rattraper des patates. Rien, tout est unique, mais tout est dans une extrême multiplicité. Et donc ça peut faire peur parce que la densité et le joyeux bordel est quelque chose qui peut être apocalyptique ou paniquant. Et que l'être humain a cette capacité rigolote de ne faire qu'une chose à la fois, tout en pensant 10. Et alors, j'ai envie de catalyser un peu les choses vers les choses uniques ou les moments uniques, en sachant que ben ils disparaîtront dès qu'ils auront eu lieu. Genre une chanson quand tu chantes en concert. Chaque phrase existe au moment où tu l'as fait, même si tu l'as écrite il y a 10 ans. Chaque phrase existe au moment où tu l'as dit, pour toi et pour tous les gens qui sont en face de toi. Et puis après, c'est fini. Donc il y a quelque chose de très éphémère que j'aime bien. C'est que tu fais un truc qui n'a pas la vocation de marquer le sol territorialement d'une pierre fatale en disant si ce travail a été fait par Daniel Hélin. Tu vois, j'aime bien l'histoire de dire que voilà, comme je disais, je pense à ça sur la voie du samouraï. Le samouraï, il se lève le matin, il sait qu'il va mourir. Et moi, j'aime bien faire ça. Le matin, je me lève, je dis aujourd'hui, je peux mourir. Mais ça n'a rien de déprimant, au contraire. Puisque je pars de l'idée que je vais mourir aujourd'hui, donc c'est pas mal chouette. Puisque alors là, je réfléchis à ce que j'ai fait avant, et je dis ben voilà, je l'ai fait. Et un truc comme ça sur le fait d'être un être humain qui a une finitude, donc j'ai 42 ans, je suis au tiers, donc je vais mourir à 120. Si c'est quelque chose comme ça, ben cet espace-temps à remplir a quelque chose de complètement éphémère en fait. Je n'ai pas l'obsession historique de mon nom dans l'histoire et tout ça, mais être avec les gens de mon époque, être un artiste contemporain dans le sens premier du terme, être avec les gens de mon temps et essayer de trouver un sens et pour essayer de réaliser des rêves, ça me va quoi. Ah, qui programme dit ? Ben encore, c'est pas la moitié du tiers. Encore, c'est pas la moitié du tiers, ça que tu dis. Mais par exemple, quel rêve ? Par exemple, je trouve, enfin voilà, on est dans, comme tu dis, une société là contemporaine. T'es contemporain. Y a un gars qui dit content pour rien aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là-dessus ? C'est l'histoire de... On est fanatique de l'immédiateté dans ce monde-ci. C'est-à-dire que je viens un peu de parler de ça, du partage du moment. Donc c'est quelque chose d'immédiat puis qui disparaît. Bon, il y a toujours une trace dans ton petit cerveau, ton petit cœur, comme d'un, je sais pas moi, d'un bon petit déjeuner ou d'un gros bisou. Il reste une trace, une émotion, disons. Voilà. Là, c'est un truc sur le culte de l'immédiateté me stresse dans la question de... Puisqu'on a... chacun une histoire assez courte. Je parlais que j'allais vivre 126 ans, mais c'est court, 126 ans. 126 ? 42 fois 3. Ouais. C'est ça, hein ? 42 fois 3, 126. Eh bien, je dis que je veux vivre effectivement le moment présent avec une certaine densité et dans mon art, entre guillemets, qui est un art humain, mais en perspective d'une longue histoire, puisque... J'ai peut-être 42 ans, mais je suis porteur d'une histoire de milliers d'années en moi-même, puisque depuis le début de l'univers, les cellules qui me constituent étaient avant des cailloux ou des choses qui sont un peu mystérieuses, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont passées presque d'un point de vue chimique qui ont fait que mon existence est là. Et que donc, depuis le début de l'histoire du monde, il y a des traces de cette histoire du monde dans moi et dans chacun. Et donc... Ce qui est étrange dans l'histoire de l'humain qui ne vit qu'un certain temps, c'est qu'il est porteur d'une énorme histoire et qu'il a conscience de cette histoire, en tout cas il peut l'avoir, et il n'en fait comme rien parce qu'il va crever, le pauvre. Et moi, quand je parle de réaliser les rêves, pour répondre à ta question... Ah, répondre à ma question, c'est cool ça. C'est cool hein, ça. Eh bien, je parle des utopies du comment vivre. Du comment vivre ensemble dans ce monde. Comment vivre ensemble dans ce monde, sachant que le temps est limité pour chaque personne et sachant qu'il y aura un après nous. Parce que c'est pas tout. Moi, je dis, je vais crever à 126 ans, mais après, il y aura d'autres gens. Ouais, peut-être pas. On n'en sait rien. Oui, quoi. Allez, on ne sait pas ce qui peut se passer, Daniel. Ben, arrête. Je te parie tout ce que tu veux que la fin du monde, c'est pas pour tout de suite du tout. C'est pour au moins, allez, il y a encore quoi ? 6 milliards d'années de soleil. Donc nous, comme des pignoufs qu'on fait la panique globale par rapport au réchauffement climatique, qui est une réalité, on est bien d'accord, Je ne crois pas à l'apocalypse, entre guillemets, que nous, notre génération, ou la génération suivante, va assister à la fin du monde. Il y a une grande crise, il va y avoir des grandes crises. Mais j'ai vraiment une espèce de foi idiote qui m'est arrivée il y a peu de temps en disant, mais en fait, ce serait vraiment trop con que tout se gâche simplement parce qu'on veut rouler en bagnole. Bah oui, je crois qu'il n'y a pas que toi qui trouverais ça con. Ce serait super con. Et en même temps, bon, ben voilà, c'est une réponse. Tu sais, les dinosaures, on dit tout le temps qu'ils étaient morts à cause d'un météorite, mais c'est même pas vrai. Ils sont morts avec des plaques tectoniques qui ont foutu le bazar en l'air. Ben nous, on pourrait juste mourir parce qu'on a voulu rouler en voiture. Mais il y a quand même une conscience, quoi. On est quand même plus malin que ça. Donc il y a bien un moment donné, justement, où je te parle d'utopie, mais je ne les ai pas encore définis, mais où il faudra bien se rendre compte de la matérielité de l'existence. Telle qu'elle est, nous est assignée en termes de temps, comme je dis, voilà, mais je vais vivre sur 26 ans, mais en termes de choses que tu consommes et que tu rejettes. C'est-à-dire, naturellement, on met des choses dans son ventre, il devient du caca d'un côté et la vie de l'autre. Et on prend des objets et on les transforme en d'autres objets. Donc, tout ça pour dire que, étant conscient de la finitude de l'existence, étant conscient de l'énorme laps de temps qu'est l'histoire du monde, et que ça ne va pas être la fin du monde. Parce que depuis le début des temps, c'est ce que j'ai dit même dans une chanson, depuis les premiers textes, tous les humains sont convaincus que la fin du monde, c'est pour leur génération. Tous. Tu lis des trucs des Romains, ils savent que ouais, l'humanité ne va pas tenir jusqu'à 400 ans. Moyen-Âge, ça c'est la panique globale, Moyen-Âge, certain que tout le monde va y passer. Il y a eu la peste, tous ces machins. Et même, je me souviens, je fais mon ancien combattant, mais en 1980 et quelques, on était tous convaincus qu'on allait mourir dans une glaciation nucléaire suite à la guerre États-Unis-URSS. Convaincus. Moi, je me souviens de la parano globale, on était manifestés à Florennes contre les missiles SS-20. Et que tu te dis, on était sûr que la fin du monde était pour nous parce qu'il y avait la guerre froide. Pouf, plus de guerre froide. Puis après, on nous fait croire que c'est l'islam radical. Pouf, ça... Je ne dis pas qu'on nous fait croire, je ne crois pas à une théorie du complot, mais je crois que chaque humain est assujetti à sa propre peur et à la peur de sa propre fin. Et que contre ça, contre la peur de perdre, contre la peur de gna gna, il existe un truc à construire. For the next generation. Et ça, ça c'est ce que j'appelle l'utopie réalisable. C'est-à-dire que pour le moment, je suis en train de relire Proudhon, qui est un grand penseur de l'anarchisme, qui a été un peu saqué par la superstar Karl Marx qui est pour le communisme étatique, et Proudhon qui prônait un gouvernement sans gouvernement, c'est-à-dire l'anarchie dans le sens politique du terme, c'est-à-dire on dit, à cette époque-là, ils y parlaient de socialisme, mais c'est un mot qui a été fort galvaudé, on dirait plutôt même pas un système, un libertarisme et allez, gérer localement, ce qui est devenu les soviets, d'ailleurs, t'as vu comme c'était galvaudé ce terme-là, mais que les humains sont capables de gérer eux-mêmes leur production en fonction des besoins de tous et en fonction des générations futures. C'est comme ça que je l'interprète maintenant. Et j'ai envie, mais ça j'ai pas encore fait, mais je suis en train d'étudier la question, de faire un spectacle qui détiendrait, finalement, qui contiendrait l'explication du possible dont je rêve, de manière un peu théorique et peut-être un peu moins branlante que ce que je dis. Tu me suis ? Je te suis. Ça va ? Tu comprends ? Oui, oui, je comprends. c'est de me dire que j'aimerais bien par une forme de poésie, mais de poésie, pas dans le sens les oiseaux, les bisounours, c'est une forme, la poésie, j'aime bien dire que c'est un choix de forme, tu choisis une forme qui soit des images métaphoriques ou quoi, qui permettent que le sens parvienne directement. Donc c'est presque comme un publicitaire, c'est quoi dire, mais il y a quelque chose de l'ordre du slogan, de l'ordre de l'efficacité verbale que je recherche. J'aurais dû faire la pub, tiens, je suis con. J'aimerais bien pouvoir développer dans le projet que je suis en train d'élaborer dans ma pauvre petite tête l'idée d'un immense espoir. En fait, j'ai envie d'être encourageant. L'occidental dépressif que nous sommes, j'ai l'impression d'être amené à disparaître. C'est-à-dire que la complaisance douloureuse du sanvanisme que j'ai pratiqué et que je continue encore à pratiquer dans les cafés dès que je rencontre quelqu'un, ça va, ouais mais voilà. Alors on fait le ouais mais et on développe le mais et on parle de nos petites plaintes quotidiennes, affectivo, professionnelles, machin truc. J'ai ça en moi, mais j'ai envie vraiment, parce que je travaille sur une forme, de donner du courage, en fait, pour un autre chose, quoi. Un autre chose qui serait la répartition des richesses, premier degré. Pas par un État centralisé, mais avec le libre consentement de tous, quoi. Le projet anarchiste, c'est la première fois que je le dis aussi clairement, aussi bêtement, parce que j'ai un truc que j'ai un peu renié par pseudo-réalisme ou lucidité imposé. C'est vraiment que, avec le monde tel qu'il est et avec la matière telle qu'elle nous est offerte par la nature, notre petite planète, notre petite boulette bleue perdue dans l'univers, il y a une limite dont on est conscience maintenant et on n'a pas le choix de faire autrement que de partager. C'est très chrétien ce que je dis là, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma culture. Dire, ben voilà, on ne peut pas... D'être chrétien ? Non, de partager. Qui est une valeur en fait, notre bon vieux Jésus était le premier punk à chien de la terre. C'était un vrai anarchiste. Et c'est parce que les gens en ont eu peur. Je crois qu'ils en ont fait un espèce de bon Dieu. Mais moi, je crois que ça devait être un rigolo qui a foutu le souk devant les églises, qui n'a jamais voulu qu'il y ait un prêtre qui parle en son nom, qui était sûrement pour la liberté sexuelle, qui devait être un gars. Il était avec ses 12 copains. Et il allait bouffer chez les gens. Il disait de la poésie pour que les gens s'aiment. Partage. Moi, je crois que Jésus était un vrai poète anarchiste. Vraiment, ça, c'est mon truc. Et dans termes... Enfin, ce que j'ai lu plein de fois... Enfin, moi, j'ai lu le Nouveau Testament en entier. Parce que pour savoir quoi, j'ai lu le Coran aussi, mais ça, c'est une autre histoire. En me disant, ben voilà, en fait, les valeurs que prône ce bonhomme-là, c'est tout le contraire de celles que l'on a maintenant. Et que finalement, les anarchistes, les communistes et tous les gens qui ont voulu avoir des utopies sociales se sont basés sur l'idée, finalement, d'un partage des richesses. Si tu vas dans l'écologisme radical, on est obligé d'être... C'est la même logique du partage des richesses, ne fût-ce que nord-sud. Donc il y a quelque chose de... Qu'à un moment donné, politiquement, il faut prendre en charge la question de la générosité qui n'est pas possible naturellement par les humains parce qu'ils ont peur. Parce qu'on a peur de perdre, parce que, comme je disais, on a peur de perdre, on a peur d'être envahi par les autres, comme chaque humain est finalement sa petite forteresse. Donc c'est normal, on n'a aucune raison de donner à des autres ce qu'on a, puisque quelque part c'est ce qui nous protège des autres ou de l'adversité. Je te suis, je te coupe, je fais une parenthèse, oui, sauf que peut-être dans notre société à nous, on jette pas mal. Tu vois, il y a du gaspillage quand même. C'est pas mal, parce qu'à partir du moment où tu réfléchis à la question de ce qu'on jette et tout ça, c'est juste... C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir que quelques hurluberlus qui font des abat-jour avec des pots de lait. Il devrait y avoir une espèce de... que justement, si on est vraiment justement dans une optique de tout ce qui est in-out, ce que tu prends et ce que tu rejettes, puisque c'est ça le matérialisme, enfin la façon dont j'analyse les transformations des choses, tu prends une série de matières, tu les transformes et ils rejettent quelque chose, comme je disais tout à l'heure, avec tu manges, tu fais de la crotte et tu fais de la poésie d'un autre côté, puisque tu as ton corps est vivant. Eh bien, qu'est-ce que tu fais de ta crotte? Et c'est vraiment un truc très très important dans ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, mais qui n'est que peu de gens en voient, parce que j'ai tellement métaphorisé, c'est que le fameux « transformons le guano en or et transformons l'or en guano ». C'était une phrase que j'ai dite à un moment donné sur ça, c'est que le caca, le déjet, n'est jamais qu'une matière qui existe, dont on doit faire quelque chose. Et ça, je crois que si on est dans l'utopisme réalisé, on peut simplement se dire, ben voilà, ça, on va en faire ça et ça, ensemble, touc touc touc. Et qu'à un moment donné, la question de la parano ou de la maladie pétrolifère, qui fait qu'effectivement on est entouré de matières qui viennent du pétrole, la machine qui enregistre et tout ça, ben voilà, ces objets-là, ils ont été faits, il n'y a pas besoin d'en produire spécialement beaucoup plus, il faut peut-être trouver la manière de faire que ce machin-là dure encore 50, 60 ans, ou je ne sais pas quoi, enfin je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'effectivement, finalement, c'est comme le terme de c'est brûler. J'ai l'impression que l'être humain a besoin de brûler. Comme on brûle nos propres calories de ce qu'on mange, eh ben on a besoin de brûler les choses qu'on produit parce que soi-disant. Mais tout ça, c'est un très con et très réducteur, mais je dis ça sur le truc de la peur. C'est vraiment l'histoire de que chaque humain naît au monde avec la potentialité d'un prédateur, comme tous les animaux, en fait. Tous les animaux ont la peur du prédateur qui va te manger ou je sais pas quoi. Mais à partir du moment où les humains font des sociétés, on pourrait simplement considérer que du fait même d'être en société, il n'y a pas de danger. Il ne va rien nous arriver de terrible si on fait les choses ensemble. J'ai l'impression. Et la dérive de ça, c'est que quand on est très dans la peur, on est très dans l'autorité et très dans la hiérarchie. On se dit, ben voilà... c'est beaucoup plus simple s'il y a des polices, une armée, ça, qui décide, qui permet de cadrer l'instinctivité dangereuse des individus dangereux, entre guillemets. et qu'à un moment donné, si jamais il y a la notion de confiance d'emblée sur chaque être humain qui naît au monde, disant tu es précieux, tu es important pour l'univers, viens, bienvenue au club, et non pas bats-toi pour exister, tout le contraire de ce qui est dit. Non, tu ne dois pas te battre pour exister. Tu existes, tu es, donc tu ne devrais pas te battre. Donc quand je suis dans des caricatures politiques en parlant de l'allocation universelle, ce n'est pas le bon terme, mais c'est un type d'exemple, dire ben voilà, aucun être humain ne devrait avoir quelque chose à prouver pour avoir à manger. Il n'y a rien à prouver, tu as le droit de manger parce qu'il y a à manger. Tu n'as rien à prouver pour avoir un toit parce qu'il y a des toits. Donc la question de la matérialité survivre ne devrait pas se poser, parce que c'est ça normalement le progrès humain. C'est que l'humain a moyen de mettre en place un système qui permet à chaque être humain qui vient au monde d'assurer sa subsistance jusqu'à la fin de ses jours. Le reste, c'est que de l'intelligence. Qu'est-ce que tu fais de cette intelligence-là, du fait que tu n'as pas l'angoisse de te faire tuer par ton voisin ou par un ennemi pour voler tes affaires, parce qu'elles ne t'appartiennent de toute façon pas. Ça, j'aime bien cette idée-là, que rien ne t'appartient, bref. Paf, paf. Donc il y a plus d'enjeux là, et après, alors, on n'a plus qu'à faire les choses ensemble, et aussi en même temps, puisqu'on est tous des individus, des zones de repli pour soi-même, très égoïstes. Et je crois qu'on peut être généreux en étant égoïste. C'est con à dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut... Si tu consacres un certain temps de ta vie, de ta journée aux autres, ben tu as parfaitement le droit d'être tout seul, à être fâché, content, tout ce que tu veux, mais pour toi-même. C'est tout à fait le contraire du communisme étatique. Tout à fait contraire de toutes ces idées de progrès collectif liées à des grands mouvements de masse. Tu vois, des trucs machin, un peu genre, on va faire un barrage, je sais pas quoi. C'est beaucoup plus des petites entités auxquelles je crois, avec une histoire d'idées, avec une idée selon laquelle... Ben, il n'y a pas besoin d'armée, il n'y a pas besoin... Puisque les gens qui ne sont pas bien dans leur vie, on le voit tout de suite qu'ils ne vont pas bien dans leur vie. Donc, ils ne sont pas obligés d'être des bandits pour prouver qu'ils existent. Enfin, je dis un truc con, mais c'est con, je parle comme un enfant de 4. Ben, tu vois, donc moi, mon job, c'est de ces bêtises que je viens de te dire en interview directe, c'est-à-dire sans aucune réflexion profonde, c'est du flux, de trouver les formes qui me permettent... d'affirmer ces choses-là tout en les mettant en lumière face à la question de la contradiction. Parce que je ne peux rien affirmer complètement. Je dis, voilà, c'est pour ça que j'aime bien l'idée du spectacle, c'est que quand tu fais un spectacle, tu fais tout ton monde toi-même. Et les autres, ça le côté dictatorial indirect, les autres le prennent ou le prennent pas. Mais pendant une heure ou une heure quart, ils l'écoutent. Déjà ça, merci les gens. Mais comme jusqu'à maintenant, je crois que j'étais beaucoup... subliminal, si tu veux. Et de plus en plus, j'ai envie d'être direct. Tu vois ? J'adore. Subliminal, c'est... Ouais, même oui, direct. C'est une forme de perversité manipulatoire de dire « Transformons le guano en or » à la fin d'une chanson, alors que c'est plutôt le thème de la chanson, alors que pendant tout le reste, je parlais des éboueurs. Par exemple. Et dans chaque album, il y a au moins deux ou trois chansons avec des allusions très claires et évidentes sur la question... de la matérialité de notre planète, et tout ce qui est fait dans un discours global, même du journal télévisé, où on dit que ben bon, faut faire des économies et toutes ces conneries là. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin dans ça, sur la question effectivement, et je reviens au début de ce que je disais, que effectivement on est limité dans le temps, 126 ans en ce qui me concerne, mais on a encore droit à 6 milliards d'années de soleil. Et ben, il serait bien qu'il y ait encore des gens pour gérer le moment où justement où le soleil pètera. Qu'ensemble on trouve des solutions techniques ou pratiques pour faire que ben on puisse vivre, quoi, si on tient à la vie. Et je me suis posé parfois la question de ça: est-ce que l'humain, dans son côté incendiaire, aimait vraiment le fait d'être un être humain? Et c'est vraiment un drôle de truc, ça. Et c'est ça que je dis qu'on a le droit à s'entretenir dans de petites dépressions occidentales. Étonnamment, même si ça va bien, on a une souffrance comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait de celle-là, quoi ? Soit on se détruit soi-même, soit on finit par détruire des autres, ou on détruit des objets, ou des... Vas-y, Choupi. Mais qu'est-ce qu'un être humain aussi, tu vois ? C'est pas un être humain, il n'y a pas une définition, genre... une définition, j'ai l'impression que c'est aussi un truc, j'aime bien dire truc, hein, oui, vas-y. Qui bouge. Tu vois, c'est en mouvement, quoi. J'aurais aussi envie de dire plutôt la qualité que la quantité, pour finir, tu vois. Autant vivre ta vie vraiment intensément, dans le sens où, plutôt que sur la durée, longtemps, et pour finir, t'es chiant, t'emmerdes tout le monde. C'est pas dans le degré de vie d'être un oui, mais plutôt la qualité, tu vois, de viser plutôt la qualité, même si c'est une étoile filante, waouh, l'étoile filante. Enfin, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Mais la définition aussi, un être humain, c'est quoi un être humain pour finir, mais c'est marrant parce que... Attends, quand je t'entends parler, je vois ce que tu veux dire sur la question de ça, mais moi je voyais par rapport au règne animal dont on fait partie, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui fait qu'on est des animaux en fait. Qu'est-ce qui fait que nous, un être humain, a accès étonnamment à la transformation de la matière comme aucun animal l'a. C'est-à-dire que c'est étrange qu'on puisse, avec du fer, faire des couteaux ou avec du bois, faire des maisons. C'est assez étrange comme truc, parce que technologiquement, les plus élaborés, les choses les plus élaborées par les oiseaux sont des nids incroyables, merveilleux, des termitières, des constructions comme ça. Mais il n'y a pas la question, j'allais dire, presque la fusion-transformation de la matière, surtout le métal. Je me dis, c'était bizarre qu'on ait découvert le métal. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tout a basculé. Parce que même l'âge de la pierre, il y a un truc encore où tu transformes un caillou en couteau. Là, tu transformes quelque chose qui ressemble à un minerai en un objet, à des millions d'objets potentiels, puisque le métal, c'est tout faire, tout sculpter. Bref, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, donc voilà, c'est ça. Les humains sont des animaux, dans le sens instinctif du terme, avec la question de la vie courte, etc. Donc l'instinct de survie qui fait que toutes ces violences-là, etc. etc. Et d'un autre côté, il y a quelque chose d'autre qui différencie, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à, justement, un sens du long terme. C'est pour ça qu'il y a eu des temples, des pyramides et tout ça. C'est avec l'idée qu'il y a, un ceux qui viendront après nous. Les animaux, en termes d'héritage, durant toute leur vie, par exemple, certains animaux mammifères apprennent des choses à leurs enfants. Ou s'apprennent des choses dans les dauphins, des mammifères supérieurs, tout ça. Mais après, quand le corps est disparu, le corps est disparu. Il n'y a pas l'idée de la tombe, de l'héritage. Or, j'ai l'impression que l'humain a cette capacité de se voir éternel. C'est pour ça qu'elle a eu besoin à un moment aussi d'un bon Dieu, quoi, pour se voir dans un au-delà de lui-même, qui est valable pour tous les hommes, parce que c'est plus simple comme ça. Mais de cette capacité-là, étonnamment, moi j'ai l'impression que c'est ça la transition, c'est que si on se débarrasse de la question de la déité, de la question du Dieu, on part de l'idée que, justement, ces sensations mystiques, merveilleuses de l'éternel, de l'avant et de l'après-nous, il peut être concrétisé dans la matière aussi, pas dans des temples, mais d'en dire, eh ben, j'ai envie de faire, enfin voilà, je prends un exemple très con, je parlais d'un barrage et tout ça, c'est vraiment un bête exemple, mais un truc dans ce goût-là, dire, ben voilà, pour ceux qui viendront après nous, on va trouver un système énergétique global qui fasse qu'on n'utilise plus jamais aucune ressource du fond de la terre. Donc suppression de tous les produits pétroliers, tout ça parce qu'on c'est pas renouvelable, tout ça, mais ensemble, dans une espèce de totalité. Donc on peut dire, ah, t'es un dictateur. Non, je dis, j'ai un projet. Voilà. Je vais pas diriger le monde, hein, justement, il n'y a pas d'hierarchie, c'est quelque chose qui, justement, fait appel à toutes les intelligences individuelles, quoi, dire, ben voilà, et petit gars, réfléchis, il y a moyen. Et c'est dans ce sens-là que moi, le temple dont je rêve est simplement le monde dans lequel on vit. Et peut-être que nous, entre humains, n'ayant plus la nécessité de la survie contre les autres, mais simplement pour les autres, parce qu'on est, inclus dans cet univers-là, ça ferait peut-être... c'est un rêve, mais c'est un truc qui permettrait... Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de conflits, et je n'interdirais pas. Je dis que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, quoi. Les religions existantes, il n'y a pas question de les supprimer complètement, c'est une question de trucs personnels. C'est l'idée de penser juste pour les 1000 prochaines années ou 5000 prochaines années. Et ça, c'est un truc qui existait, je pense, dans certaines civilisations avec des dieux forts, mais qui pourrait exister maintenant sans Dieu. C'est-à-dire avec justement l'idée d'un potentiel réel, dire, ben voilà, justement du fait de cet état d'urgence de la planète qui peut commencer vraiment à nous échapper, c'est-à-dire notre lieu de survie, ben disons que notre Dieu, ça devrait être simplement l'endroit où on vit, quoi. Pas dans le sens territoire, ma maison, dans le sens... l'univers tel qu'il est. Et je crois que tu peux avoir des sentiments religieux, je parle de sentiments, hein, de trucs qui te fait battre le cœur, en pensant à ça. Et mais des beaux sentiments religieux, sans mettre de bon Dieu, quoi. Mmh. Des sentiments de religion dans le sens être relié, quoi. Tu relis des choses ensemble avec ton intelligence et ta sensibilité, et tu en es touché, et ça te fait un effet émotionnel. C'est ça, pour moi, le sentiment religieux mystique, qui est une belle chose, en fait, qui est une forme, qui peut aussi être une source de poésie, de rechercher... dans cette chose qui n'est pas tactile, mais dans les milliards de millions de petites choses tactiles qui sont le résultat de toutes ces choses mystérieuses, de quoi avoir du désir et du rêve, quoi, et l'envie de le réaliser. Tu suis ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ? Tu crois que je t'écoute pas, hein ? Non, je sais pas si c'est clair, en fait. Je sais pas si t'es clair, bah écoute, j'écoute ce que tu dis, mais quoi ça voudrait dire alors que le Daniel qui chante déjà avec ses chansons décalées, folles, et qui raconte aussi un peu l'histoire du monde, l'histoire des humains, bah alors si je comprends bien, ou alors j'ai mal compris, ou alors on se comprend pas et on s'écoute pas, c'est qu'on pourrait avoir affaire à un Daniel maintenant dans un spectacle qui nous raconte un peu... Tout ce qu'il rêverait, toutes les utopies possibles qu'il aimerait dans un futur ou quoi. Quelque chose dans ce goût-là, ouais. Ouais. Quoi, tu chantes plus alors ? Si, mais maintenant je fais pas mal de textes chantés, je chante moins en fait. Il y a des gens qui aiment pas ça, alors je vais quand même en continuer à chanter parce que c'est vrai que j'ai pas envie de m'éloigner non plus de ce qui fait mon essence. Et c'est là où la question de la forme va se poser, comment je vais présenter ça. Mais j'ai envie de faire ça, ou bien c'est à part, quoi. Tu vois, je fais chanteur et je fais ça peut-être dans un théâtre, en disant, ben voilà, je fais mon one-man show libertaire. Mais c'est très étrange parce que, tu sais, le parcours que j'ai fait, je veux dire philosophiquement, pour parler très prétentieusement, est un parcours qui a j'ai tout fait pour renier mes valeurs, en fait, pour un peu comme pour faire le malin. Tu vois, je te parlais du bon Jésus et tout ça, des valeurs que... Et en fait, bon, mais quelque part, c'est vrai que j'ai un rejet absolu du système chrétien, tout ça. Donc, j'ai demandé d'être débaptisé, ce qui a eu lieu et tout ça. Mais, et puis alors après, je me suis affirmé anarchiste fort, mais un peu bête, comme punk à chien comme ça. J'étais fan des Bérues et tous ces trucs-là. Mais c'était un peu un truc pour faire contre-contre, quoi. Et que j'avais besoin de m'affirmer, mais j'avais pas... J'aimais bien l'idée de la provocation, mais ça n'allait pas plus loin. Et j'ai encore ce truc de provocation. Puis j'étais au conservatoire à Liège, où c'est un peu un bourbier à communiste, comme ça. Mais communiste marxien, comme ça. Et donc j'ai lu pas mal de livres, et je trouvais ça pas mal intéressant, parce qu'il y avait eu des réalisations, même si c'est n'importe comment, mais tac, tac. Et puis maintenant, suite à ça, parce que j'ai joué du Brecht et tous ces machins-là, j'ai réfléchi, je me dis, mais qui sont les gens... l'histoire des possibles historiques. Et donc, j'ai plongé pour la première fois de manière très concrète dans les théoriciens de l'anarchisme. Et j'ai l'impression d'avoir renoué avec quelque chose de l'enfance en faisant ça. Des convictions que j'avais quand j'avais 7 ans et demi, quand je croyais au Jésus, à qui je parlais tous les soirs pour lui dire merci de ma journée, parce que c'est ce que je faisais, je disais merci à Jésus, oui, enfin, j'ai un peu menti là, c'est pas chouette, tout ça. Je retrouve mon essence, quoi, mais avec des mots parfois très compliqués, parce que Proudhon, bon, je dis Proudhon parce que je le lis pour le moment, il fait des phrases vraiment pas fastoches, quoi, je trouve qu'il s'est un peu branlé le bonhomme dans la façon dont il écrivait, mais en même temps... Il est né au 19e siècle et il avait sans doute besoin d'énormément se justifier dans le monde dans lequel il était parce que c'était pas des drôles. Et donc il y a quelque chose de... Et en plus il a un positionnement sur les femmes qui est une merde incroyable, donc je suis pas un proudhonien, non, parce qu'il disait que les femmes ne devraient pas faire... Enfin carrément, il disait que les femmes ne devaient pas faire la politique et devaient rester à la maison. Enfin, bon, mais c'est un contexte, donc je lui pardonne, mais je dis voilà, c'est comme ça. Mais pour tout le reste, en mettant là maintenant, en étant les femmes complètement à 100% en égalité avec les hommes sur la question de comment on fait le monde, etc., eh ben il dit des trucs que je pensais. Et je lis d'autres gens... d'autres anarchistes qui disent des choses comme ça, ils lisaient Reclus, Kropotkin, tout ça. Je dis, oh. Et ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, chaque fois qu'il y a eu un potentiel de révolution, comme ils sont des anti-autoritaires, ils sont fait toujours saquer par les autoritaires, soit les communistes, parce que souvent les anarchistes sont fait flinguer par des communistes avec qui s'étaient alliés contre les pouvoirs dominants précédents, ou soit par les fascistes, ou soit par les deux ensemble. Tu peux parler de guerre d'Espagne, révolution russe. Dans les révolutions russes, il y avait Nestor Makhno en Ukraine qui a attaqué les propriétaires terriens et qui redistribuait les terres de manière équitable avec tous les paysans. Donc ils ont réalisé l'anarchisme à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que les soviets ont vraiment existé. Après, ces salopios de communistes, ils les ont tous saqués, quoi. Bref, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'au début, pour faire ma petite branlette technique, je parlais de... l'enfant de 7 ans. Eh bien, c'est ça. Maintenant, je lis ces gens-là et je me dis, tiens, à 42 ans, j'ai envie de dire, mais ces gens-là ont raison. Ces gens-là ont eu raison. Quels gens, pour finir ? Les anarchistes. Okay. Et c'est la première fois, je te jure, maintenant, toi et moi, Graziella, à tourner les mains, que je dis ce terme-là, que j'ai renié, que j'ai mis de côté. Pourquoi ? À cause de la connotation un peu bébête, naïve ou purement adolescentine de révolte contre le monde. J'aime bien la phrase de Léo Ferré, il n'y en a pas un pour sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols et savoureux. C'est à croire que là-bas on ne les comprend pas. Et c'est vrai que tout le monde est un peu anarchiste en soi, parce que tout le monde a besoin de s'imaginer, même les pires fascistes, des gens d'extrême droite peuvent avoir un truc sur le libertarien, affirmer sa personnalité, etc. Mais c'est pas ça le truc. Ce que j'aime bien, c'est que quand je lis ces choses-là, je vois, non pas qu'ils aient raison dans le sens biblique du terme, parce que c'est vraiment une erreur qu'on fait beaucoup de gens qui ont aimé la politique, c'était de bibliser les gens, que soit, je parle de Christ, Mahomet, Bouddha, Marx, même Freud pour les freudiens, enfin, tous les gens qui ont une vision du monde révolutionnaire, qui ont changé la façon de voir comment se passait le mental et comment se passait le rapport au monde. Eh bien, dans ces trucs-là, il n'y a aucune raison pour moi de mystifier, de dire que ces gens-là ont eu raison, dans le genre, c'est eux et les autres ont eu tort, mais dans le sens que c'est les seuls qui parlent de quelque chose qui est, j'allais dire, bizarrement réaliste. L'utopie est plus réaliste que l'utopie capitaliste. L'utopie anarchiste est plus réaliste que l'utopie capitaliste. Proudhon écrit cette fameuse phrase « La propriété, c'est le vol ». Qui paraît comme un argument d'enfant de 14 ans sur le mur de sa chambre. La propriété, c'est le vol. Et l'argumentaire qu'il met alentour de cette question-là et correspond exactement à ce que je pense depuis toujours sur la question de la vie. Quoi. Dire, ben en fait, finalement, quand on parle de l'esclavagisme, on dit l'esclavagisme, c'est on enlève à quelqu'un sa liberté, sa capacité de penser, son pouvoir, il est objectivé. On est d'accord. Quand on dit que la propriété, c'est le vol dans le sens où c'est l'appropriation de richesses produites par tout le monde pour quelques-uns qui ne travaillent pas mieux que les autres, qui ne sont pas plus malins que les autres, qui ne sont pas plus intelligents que les autres et pas plus responsables que les autres. Donc les gens qui possèdent le plus sont des gens complètement incompétents à qui on admet l'idée qu'ils puissent posséder plus que toi simplement parce qu'ils ont réussi à te voler le produit de ton travail. Quand on dit ça, on peut dire oui et tout ça, mais donc c'est vraiment un truc sur le vol. Il y a la désappropriation du travail des gens par des gens qui ont simplement eu l'idée de l'exploiter d'une certaine façon. À partir de ce moment-là, eh ben, ma phrase naïve a l'air plus intelligente, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la propriété, c'est le vol, c'est-à-dire que aussi que ce que tu as à toi-même dans ta vie, après ta vie, la question de l'héritage, soi-disant, etc., mais il y a des gens qui vont profiter de matériaux auxquels ils n'ont pas accès. Je parle des grandes richesses, des grandes fortunes. Tu as des gens qui ont des choses dont ils ne se servent pas, mais qu'ils ont. C'est complètement absurde, c'est mortifère. Parce qu'il y a eu du travail pour produire toutes ces choses-là qui ne servent à rien ni personne. Juste, il y a des gens qui les ont. Et ça va des maisons qui s'écroulent, parce que dans le village ici, il y en a une comme ça, un problème d'héritage. C'est très con, hein, c'est basique. Entre deux frères, la vieille mère est morte, et ben, comme ils ne se sont jamais mis d'accord, la ferme s'est écroulée. Quel drôle de délire, quoi. Donc ça ne sert à personne. Et ben, le nombre de choses qui sont de l'ordre de la possession, qui ne servent à rien ni personne, mais dont les gens pourraient s'en servir vraiment et qui en ont vraiment besoin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est un bête exemple sur la question de quand tu vis. Tu accumules certains objets et la question de l'utilité des objets. Est-ce que tu t'en sers, etc. Ben non, en fait. Alors pourquoi est-ce que tu aurais peur que quelqu'un d'autre s'en serve, quoi ? C'est pour ça, mais ça paraît très dictatorial ce que je dis là, c'est pour ça que je me méfie et que j'aimerais bien trouver une manière de le dire qui soit chouette, de dire ben finalement, à partir du moment où tu as en ta possession, c'est-à-dire dans ton entourage propre de quoi vivre, plus des choses qui t'appartiennent vraiment. Tu peux avoir un piano, c'est pas la question. Tu peux avoir des objets qui servent, qui ont une valeur esthétique, personnelle. Mais il y a comme une limite à avoir avec ça, quoi. Pas qui doit être imposée par des dictateurs, mais qui doit être discutée. On dit, mais est-ce que c'est vraiment... Alors là, d'accord, il me dira, ah oui, mais vie privée. Donc je prends des risques énormes en parlant comme ça parce que je vis dans un absolu contre-courant et que tout le monde peut se foutre de ma gueule quand je parle comme ça. Parce que c'est vraiment un contre-courant radical et qui moi-même pourrait m'inquiéter, mais j'ai l'impression que c'est... Que tant qu'on n'a pas essayé la question de... Je dis tout le temps la question. Tant qu'on n'a pas essayé de considérer les choses qui sont, nous entourent et la planète qui nous entoure comme étant quelque chose de précieux, et qu'il y a des choses qui sont, comme qui dirait, sacrées, dans le sens où qui ne devraient jamais être brûlées. Je parle même des crasses. Hein. Les choses qu'on rejette sont des choses qui peuvent encore servir. Donc c'est, la matérialité des choses est importante, en fait, tu vois. La matière, tout ça. Mais comment on l'utilise pour que cette petite sphère bleue sur laquelle on habite puisse tenir au moins 6 milliards d'années. That's it, baby. Yes, Daniel. Yes, Danny. Mais oui, mais enfin, ça fait son chemin aussi parce que voilà. Ouais, je sais pas. Je crois avoir compris quand même l'essentiel de ton truc, mais pas tout. Et dans le sens, ouais, c'est comme s'il fallait sauver les meubles. Je comprends en gros vite. Faut sauver les meubles. Si on veut garder la planète longtemps, ben il faut changer une certaine dynamique. Ça, c'est sûr. Y a pas que toi qui le dis, ça. Seulement concrètement, il n'y a pas vraiment quelque chose qui se fait. C'est comme si on attendait aussi que notre bon vieux système occidental aille dans le mur, quoi. Ouais, je ne sais pas très bien. Moi, un peu ma philosophie, c'est de vivre là au temps présent le mieux possible. Et j'en sais rien de ce qui va se passer. Est-ce que moi, personnellement, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Sûrement, tu vas me dire. On ne peut pas laisser les choses comme ça, mais... Mais en même temps, tu sais, comme tu dis, tu vis le moment présent, ça fait partie du truc. Tu vis le moment présent, mais ton moment présent a des incidences pour toi-même et pour les autres gens qui t'entourent sur le futur. Donc, quelque part, si tu es dans le moment présent, que tu fais des choses chouettes et positives et waouh, ben évidemment que ça a une incidence. C'est minimal. Moi, je ne crois pas que, dans ce que je raconte, il y aurait l'idée... C'est pour ça que c'est assez délicat comme moment parce que je fais de la proposition en fait. J'ai mon rêve et je veux qu'il soit réalisé, tu vois. Mais je fais du spectacle. Donc c'est éphémère, de nouveau on revient au point de départ. Donc ça peut être aussi un loisir comme un autre. Et mon prof de conservatoire, le gros Jacques Delcuvelry, disait, parce que je me prenais fort au sérieux à ce moment-là, et je travaillais plus que les autres, j'étais là vraiment avant les autres et je partais après les autres. Et je croyais très fort à la mission culturelle du théâtre et tout ça. Et lui-même, qui était mon maître, me disait, et là, n'oubliez pas que votre métier, ce n'est qu'un divertissement. Et je trouvais ça d'une violence. Par rapport à tout ce que je mettais pour être Richard III, eh ben, je trouvais ça vraiment pas chouette, quoi. Et en même temps, je l'ai vécu concrètement, cette chose-là. Où, justement, tu crois avoir une incidence politique parce que tu as un droit à la parole que tu utilises et qu'il y a des gens qui même mettent de l'argent pour te voir parler une heure et demie. Et en fait, reste quelque chose d'éphémère. Et pour moi, c'est un vrai questionnement, tout ça. C'est que, à partir du moment où tu fais une œuvre artistique, elle reste quand on est dans l'univers de l'art, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que tu as un CD dans ta CD Tech. T'as un livre dans ta bibliothèque et t'as un moment dans ton cœur, dans le théâtre. Tu dis, ah, j'ai vécu ça, j'ai vu cette pièce. Mais l'incidence est très minimale, quoi. C'est très, justement, instant présent, comme tu dis. On dit, on parle de liketnung et tout ça. Et donc, cette radicalité-là, pour moi, n'est applicable en direct que dans un spectacle, a priori d'abord, à condition d'y mettre la forme, parce que justement ce maître-là, qui était un gros malin, il me disait, c'est quoi le plus important, c'est le fond ou la forme? Il m'a dit, c'était la forme. Parce qu'il dit, le fond, on peut être plus ou moins tous d'accord. C'est comment tu vas le faire, comment est-ce que tu vas lui donner forme, pour qu'il ait justement la pertinence que tu veux y mettre. Bref, tout ça... J'aurais dit l'inverse. Oui, je sais bien. Je sais bien. Mais je ne dis pas que c'est le plus important, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais de manière très importante, surtout dans l'art, en fait. C'est-à-dire que dans la vie, peut-être plus une question de fond et tout ça, mais dans l'art, il y a une question de forme très importante qui fait que tout d'un coup, qu'est-ce qui fait que un même sujet, je parle même pas d'un spectacle, je parle d'un sujet, un même sujet écrit d'une certaine façon touchera les gens et leur donnera envie d'en faire quelque chose, ne fût-ce que pour leur propre vie, ou au contraire, créera par exemple éventuellement un buzz à la con, ou au contraire un espèce de choc à la con, ou au contraire, au pire, la grande indifférence, quoi. Et comment est-ce que tu dois... quels sont les outils que moi, je vais mettre en place pour écrire ça, ou pour le mettre en spectacle? C'est the big question, parce que même... Mais ça me fait plaisir de vivre ce moment-là où tu m'interviewes et où je parle tout le temps. C'est que tout d'un coup, ce que j'ai dans la tête sort par ma bouche. Mais ce n'est pas une forme choisie, c'est de l'instant présent. Si je reprends toute cette interview-là et que je veux en faire quelque chose de l'ordre de l'art, eh ben, il en resterait une forme de 3-4 minutes de type chanson, dont le titre serait « Interview avec Graziella » et que je réussis à en faire une chanson où je mets que les trucs les plus importants et mieux construits. Eh ben, c'est ça la question, c'est comment est-ce que moi, avec tous les éléments que j'ai de mon histoire et de mes études, entre guillemets, puisque j'ai dit que j'ai lu les gros livres et tout ça, pour en faire quelque chose qui soit aussi quelque chose d'agréable à suivre, quoi. Qui soit un truc qui justement donne ce fameux espoir que j'ai envie de donner, donne quelque chose de désirant, et non pas déprimant. Tout en étant, et ça on en parlait hors micro, lucide, qui est vraiment un mot que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que bizarrement, je dis que mon utopie fait partie de ma lucidité, enfin, je ne sais pas comment dire, donc dans ma lucidité, je vois l'utopie comme étant possible. Et en même temps, je sais très bien en quoi elle est utopique. Puisque depuis le début de l'histoire, des tas de gens ont essayé de faire évoluer les choses de cette façon-là. Et soit ils se sont fait zigouiller, soit on les a mis dans des asiles psychiatriques, soit ils se sont fait récupérer comme des purs produits. Et c'est là où mon métier est tangent, parce que c'est aussi un pur produit. Comme un truc qui fait qu'on se débarrasse de la question. À partir du moment où l'œuvre est faite, tout le monde en est débarrassé. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu pourrais... du fait que, je sais pas, quelqu'un a écrit un très beau film sur l'Holocauste, ben ça, comme si ça nous enlevait la question de se poser la question de comment faire que ça ne se reproduise plus jamais, puisque ça a été bien fait au niveau de l'art. Et c'est ça le gros danger de l'art et de trucs artistiques, c'est que ça contribue à une forme d'hypnose, quoi. Et que ça complaise, et que ça conforte le reste. Du fait d'avoir la liberté d'expression, de pouvoir parler de l'anarchisme qui propose une radicalité anticapitaliste qui bousillerait toutes les richesses, enfin qui rétablirait. Eh bien, quelque part, du fait d'avoir cette liberté-là, je peux aussi être un gadget et une caricature. Et c'est pour ça que, pour ça que je reviens sur l'histoire de la forme. Ou bien alors je métaphorise à fond et je fais de la poésie où je reprends des animaux comme La Fontaine ou Brassens qui a besoin d'utiliser des choses et c'est une bonne façon d'amener les choses, mais alors ça reste un bel objet joli rigolo. Donc, pour revenir aux fondamentaux, je m'étais dit à un moment donné quand j'ai commencé à faire chanteur, si je dois dire ce que je pense, je crie. Donc 40 minutes de cri. Parce que dans mon ventre, j'ai cette urgence-là de gueuler. Mais c'est pas très intéressant comme truc. Donc après, j'ai mis plein de mots. Mais même trop. Parce que parfois, c'est pas facile à suivre. Donc je dois trouver une petite voix là-dedans qui soit à la fois, je veux dire, pas divertissante, mais qui a un attrait, mais qui soit pertinent. C'est un drôle de mot, mais pertinent. C'est-à-dire que, ah oui, quand même, c'est peut-être... C'est intéressant. Pas que c'est intéressant, mais j'ai envie d'aller chercher plus loin. Et je sais, pour l'avoir vécu, que la curiosité des gens qui viennent voir des spectacles, il n'y a qu'un très faible pourcentage de gens qui va juste plus loin. Et pour le reste, tu n'es juste qu'un divertissement, effectivement. Mais voilà, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup d'autres armes, je ne vais pas faire un groupuscule anarchoïde avec des armes, puisqu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de lutte armée. Il s'agit d'une lutte de l'intelligence, entre guillemets, ou de la métaphore poétique pour essayer de dire, tiens, qu'est-ce que je fais de mon senti de la vie pour en faire un truc waouh, quoi. C'est naïf, d'accord, mais voilà. Si on avance, on meurt. Si on recule, on meurt. Alors pourquoi reculerait-on? Voilà, c'est ma petite phrase. Tu viens de l'inventer, là? Non. Ok. Donc pourquoi reculerait-on? Ouais. Et pourquoi avancerait-on aussi, alors? De toute façon, on meurt, alors autant avancer. Ouais, mais non, restons sur place. C'est ce que ça dit, ton truc. Ça n'existe pas. Ça n'existe de rester pas. Sur place. Ça n'existe pas. Tout bouge tout le temps. Il n'y a rien qui est sur place. Il n'y a rien qui est sur place. Tout bouge tout le temps. Ouais, mais enfin, si tu regardes un peu, oui, tout bouge tout le temps, mais c'est pas forcément... Moi, je pense qu'il faudrait aller regarder à l'extrême opposé pour changer un peu les choses. Là, j'ai l'impression qu'on stagne quand même, toujours dans la même idée, la même... Mais c'est justement pour ça que ça, c'est ce qui s'appelle reculer dans la phrase que je dis. Si tu recules, tu meurs. Si tu avances, tu meurs. Je parle de ligne du temps. Si tu avances, enfin, dans tous les cas, tu vas crever. Donc, pourquoi est-ce que tu déciderais justement de stagner? Merci, Daniel. De rien. Le plaisir.